Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 24. De la moralité des passions. Il y a de bonnes et de mauvaises passions. 1. Le bien et le mal moral peuvent-ils se trouver dans les passions de l'âme? Les passions de l'âme, considérées en elles-mêmes comme de simples mouvements de l'appétit raisonnable, ne présentent ni bien, ni mal moral. Mais il en est autrement lorsqu'elles sont volontaires. Les mouvements des membres de notre corps sont moralement bons ou mauvais, en tant qu'ils sont sous l'empire de la volonté. À plus forte raison en est-il ainsi de ceux de l'appétit sensitif qui est plus rapproché de la raison et de la volonté que ne le sont les membres corporels. Nous devons ajouter que les passions peuvent être considérées comme volontaires, non seulement lorsque la volonté les commande, mais encore lorsqu'elle ne les réprime pas. 2. Toute passion de l'âme est-elle moralement mauvaise ? Aux yeux des stoïciens, toute passion était mauvaise, car ils appelaient ainsi tout mouvement de l'âme qui sort des limites de la raison. Aussi Cicéron qualifiait-il les passions de maladies de l'âme. Mais les péripatéticiens, qui appelaient passion tout mouvement de l'appétit sensitif, disaient, avec plus de vérité, que les passions sont bonnes si elles sont dirigées par la raison, mauvaise si elle se dérobe à ses lois. Et, en effet, il n'est pas dans leur nature d'être toujours en opposition avec la raison. Les passions déréglées inclinent au péché, mais celles qui sont réglées par la raison appartiennent à la vertu. Note. L'éloquence est fille de la passion. Crée une passion dans une âme, et l'éloquence en jaillira à flot. L'éloquence est le son que rend une âme passionnée, confère la cordère. 3. Toute passion augmente-t-elle ou diminue-t-elle la bonté ou la malice des actes? Si, comme les stoïciens, nous n'appelions passion de l'âme que les mouvements désordonnés de l'appétit sensitif, nous devrions reconnaître avec eux que toute passion diminue la bonté d'un acte, mais, comme nous appelons de ce nom tous les mouvements de l'appétit sensitif, nous devons dire que notre perfection consiste à les soumettre à la raison, car, notre bien consistant à suivre la raison, il est évident que nous serons d'autant plus parfaits que la raison dominera davantage sur les diverses parties de notre être. Or, s'il importe à notre perfection morale que la raison dirige les actions même extérieures que nos corps accomplissent, il est aussi de notre perfection morale que notre appétit sensitif lui soit soumis et que nos passions soient réglées par elle, de telle sorte que nous soyons portés au bien, non seulement quant à la volonté, mais encore quant à notre appétit sensitif, comme le marquent ses paroles. Mon cœur et ma chair ont tressailli dans le Dieu vivant. Psaume 83, 2. Note. Les passions, dira-t-on, faisant obstacle au jugement de la raison, diminuent la bonté des actes moraux. Les passions qui préviennent le jugement de la raison diminuent, nous en convenons, la bonté morale des actes, puisque la raison, qu'elles obscurcissent, est la source de cette bonté. Mais il est des cas où les passions résultent du jugement même de la raison, tantôt par manière de surabondance, lorsque la partie supérieure de l'âme, fortement impressionnée, agit sur la partie inférieure et révèle au dehors la force de la volonté, manifestant par là même la bonté de l'acte moral, tantôt par manière de choix. Par exemple, quand on consent à subir l'effet d'une passion pour accomplir une œuvre avec plus d'ardeur en cédant de l'appétit sensitif, les passions ajoutent alors à la bonté des actions. Pour ce qui est de celles qui tendent au mal, elles atténuent le péché quand elles préviennent le jugement de la raison. mais elles l'augmentent ou témoignent de sa grandeur quand elles le suivent de l'une des deux manières que nous venons d'indiquer. Fin de la note. 4. Y a-t-il des passions bonnes ou mauvaises dans leur espèce? Il en est des passions comme des actions. L'espèce en peut être considérée à deux points de vue. Dans leur nature matérielle, elles n'ont, en morale, ni bonté ni malice, mais, en tant qu'elles rentrent dans les actes volontaires ou humains, c'est-à-dire en tant qu'elles participent de la volonté et de la raison, elles appartiennent par leur espèce au bien ou au mal moral, car leur objet, ainsi compris, est une chose conforme ou contraire à la raison. La pudeur, par exemple, cette crainte de ce qui est honteux, est une bonne passion, parce qu'elle est conforme à la raison, et l'envie, qui est une tristesse causée par le bien d'autrui, est une mauvaise passion. Note. Les bonnes passions tendent au bien non pas seulement apparent, mais au bien réel, dont les mauvaises s'éloignent pour suivre le mal. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.